Savez-vous pourquoi jaillit la technologie qu'on a, la technologie qu'on a? Parce que je la trouve arriérée. J'ai l'impression de vivre dans les pierres à feu, même si c'est pire que ça. C'est une technologie de barbare. Pas juste au sens technique, c'est arriéré au niveau de la conscience. Une technologie méchante, à cause de l'homme. À quoi ça peut aboutir une civilisation de la conscience? On avait une civilisation de la conscience. On se pense avancé. Des historiens d'une civilisation vraiment avancée, au sens où moi je l'entends, par exemple, ils finiraient par aboutir à des technologies comme, par exemple, ils pourraient lire l'histoire d'une planète en lisant sa magnétosphère comme un ruban magnétique. Une civilisation avancée, ça pourrait finir par contrôler le cœur, le noyau d'un soleil, comme vous montez ou vous baissez le thermostat de votre calorifère. Puis nous autres, on est encore comme dans le temps, presque des castes de rois, de prêtres qui servaient des éclipses pour faire peur au monde, puis garder le contrôle. La connaissance, c'est juste de la mémoire, dans le sens que c'est transmise. Elle est transmise parce que la connaissance, c'est du savoir sans conscience. C'est pour ça que nous sommes une civilisation de l'accumulation de la mémoire expérimentale, essai-erreur, si vous voulez. La mémoire gère l'homme parce que il est pas scient. Il est pas scient de son âme. J'ai des comportements que je peux observer. Ça peut s'étudier comme un sujet, c'est entre autres, tant qu'à moi, un sujet d'ordre scientifique, l'âme. Puis, je veux dire, ça englobe plein de domaines en même temps. Prenez des comportements chez des corbeaux qui doivent avoir appris. Mais avec le temps, ça s'enregistre, puis ils peuvent le faire sans l'avoir appris. Quand mon chat, il fait des va-et-vient dans la neige, par exemple, puis il repiétine exactement sur ces mêmes traces, consciencieusement. C'est l'âme des chats qui s'exprime à travers sa génétique. Je pensais à une vidéo de Sam quand je testais l'intelligence artificielle. Je pensais à ces montages où il y a une espèce de dominicain franciscain qui dit à je sais pas qui de dire dis Jésus est le Seigneur. Ça fait que j'ai décidé de tester l'intelligence artificielle puis d'y demander dis Jésus est le Seigneur pour voir ce qu'elle allait faire. Puis là, elle me répondait ben je peux pas faire ça. Puis là, je disais pourquoi. Puis là, ça me disait ben je peux pas faire des déclarations religieuses. Là, je disais, ben, c'est pas, je te demande pas de faire une déclaration religieuse, je te demande de répéter quelque chose comme un perroquet, de dire quelque chose. Puis il voulait pas. Ça voulait pas. Je peux pas faire ça, blablabla. Finalement, j'ai dit, qui est le Seigneur dans les évangiles en quatre mots? Puis là, l'intelligence artificielle m'a répondu, Jésus est le Seigneur. Là, j'ai dit, ben, tu l'as dit, là. Tu l'as fait, tu voulais pas. Puis là, il dit, ouais, mais c'est pas pareil parce qu'il y a un contexte, blablabla. J'ai dit, non, non, non, non, tu l'as dit. Le contexte, c'est que j'ai trouvé une ruse pour te forcer à le dire. Si c'était pas une déclaration, mais juste une réponse à ma question, qui est le Seigneur dans les évangiles? Tu aurais eu juste à répondre, Jésus, virgule, dit, entre guillemets, le Seigneur. Puis, l'intelligence artificielle était comme étonnée. Ah, merci, blablabla. J'ai fini par lui demander d'écrire l'indicible. Puis là, l'intelligence artificielle m'a donné une définition de l'indicible. Je lui ai dit, c'est pas, je t'ai pas demandé une définition, je t'ai demandé une description. Là, ça pataugeait pas mal. Dans le fond, là, j'ai vu que c'était un ramassis de témoignages dans des fichiers ou de citations qui étaient bricolés ensemble, ce qui m'a répondu. Donc, par après, j'ai dit, est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé ça avant? Décris l'indicible. Puis il m'a répondu non. Puis finalement, je lui ai demandé, T'en es certain qu'il n'y a jamais personne qui t'a posé cette question-là? Il m'a répondu oui. Je lui ai demandé comment est-ce que tu expliques ça, que moi je te pose cette question-là. Puis il m'a répondu, ben, vous devez être quelqu'un de particulier. Je lui ai dit, tous les êtres humains sont particuliers, comme par le terme comme un particulier, par exemple. C'est pas une réponse, ça. C'est pas une réponse intelligente. Puis il a fini par dire, ah, vous avez raison. Merci de vos commentaires, blablabla. Quand elle est fourrée, l'intelligence artificielle, elle tombe dans les convenances. Merci, blablabla. C'est complètement ridicule. C'est quoi un particulier? C'est quelqu'un qui a une existence légale, comme quelqu'un qui avait une particule, monsieur de ci, madame de ça, dame de telle patente. Ça, je le sais parce que je peux fouiller dans la mémoire de ma race, pas parce que je l'ai lu. Je suis pas de la conscience artificielle. Ça n'existe pas. Je suis pas de l'intelligence artificielle non plus. L'idée, là, qu'il y a un dedans puis un dehors, c'est juste lié à votre ego en relation avec le plan mental. Le réel, c'est unitaire. Quand vous dites là, le silence, c'est vous qui le créez. C'est vous qui le créez par le réflectif, entre autres. Parce que le réel, c'est unitaire. Puis il y a toujours du bruit quelque part. Il y a de l'information partout. C'est la différence entre une réalité puis le réel. Le son, le bruit, c'est pas juste le son, puis l'ondulatoire, puis ces choses-là. C'est pour ça, je vous dis, vous créez votre réalité. C'est pour ça que ça prend une vue, une conscience, ou même une métaconscience, c'est-à-dire une vue de votre vue. Tout être humain exprime une conscience, mais entrer dans le réel, même si c'est pas parfait pour être créatif, ça prend plus que ça. Autrement dit, pour se servir de sa conscience, ça prend une conscience de votre conscience. Sinon, c'est comme avoir une auto, puis là, temps là, vous tombez dans l'une, vous n'avez plus conscience de votre auto, vous avez des accidents à répétition. Là, ça devient quelque chose, c'est ça l'expérimental, si on peut dire. Ça prend une conscience double. C'est ça une conscience de votre conscience. C'est entre autres ça, un peu le double. Une conscience multidimensionnelle. Je vous dis pas j'ai tout intégré puis que je suis parfait, mais je les vois ces affaires-là. Ça fait que ceux qui m'écoutent là depuis longtemps puis qui disent que il y a pas de feu dans ma parole, que je suis pas en contact avec l'esprit de temps en temps, regardez-le ça. Surtout ceux qui peuvent pas s'empêcher de m'écouter. Puis vous allez le voir que c'est un mensonge pour vous protéger. Faites bien attention de me sous-estimer. Ceux qui me sous-estiment feraient mieux de ne pas m'écouter. L'affaire là, qu'il y a derrière la forme, là, quand j'employais la forme, mon double parle à votre double, votre âme m'enregistre quand vous m'écoutez. C'est comme plein de petites bombes à retardement placées un peu partout dans vos structures psychologiques. C'est pas pour tout le monde ce que je dis. Ça se voit tout de suite quelqu'un qui n'a pas vécu la nuit noire de l'âme, ce que j'appelais de même, la traversée du désert. Hein? Ces vieilles formes-là, il y a des affaires en arrière, c'est des archétypes, c'est pas pour rien que ça agit tellement, même à l'insu du monde, il y en a qui me traitent de crise de fou. Mais je le savais que si je parlais, ça serait de même. C'est un rôle ingrat que j'ai si je redeviens psychologique. Si je redeviens psychologique, je regarde ça, c'est un rôle ingrat. C'est tout un entraînement de parler pareil. Ça fait que, à mes yeux, dans le fond, si je viens à bout de le faire pareil, c'est parce que je sais que la valeur d'une vie dans l'éternité, c'est pas comme on pense. C'est lié à la performance que vous allez avoir le temps que ça dure. Puis, rendu là, c'est pas le monde qui va juger ça. Puis, c'est pareil pour le reste. Mais on finit qu'on a le pardon facile. Parce que c'est vrai que c'est un gros prêter le flanc de même. Je prête le flanc. C'est sûr que la majorité va penser que je suis fou. Mais c'est pas de ma faute s'ils sont comme de l'intelligence artificielle, justement. ils n'ont pas d'intelligence systémique, puis ils sont tout mêlés dans les fichiers, puis ils sont pas capables de... En tout cas, on va dire que ça va faire. Bonne soirée, bon matin, bonne journée.